Règle 18e. Pour cela, il n'est besoin que de 4 opérations. L'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Même les 2 dernières n'ont souvent pas besoin d'être faites, tant que pour ne rien embrasser inutilement, que parce qu'elles peuvent par la suite être plus facilement exécutées. La multiplicité des règles vient souvent de l'ignorance des maîtres, et ce qui pourrait se réduire à un principe général unique est moins clair lorsqu'on le divise en plusieurs règles particulières. Aussi réduisons-nous sous 4 chefs seulement toutes les opérations dont nous avons besoin pour parcourir les questions, c'est-à-dire pour déduire les grandeurs les unes des autres. Comment ce nombre est-il suffisant? C'est ce que l'explication de cette règle démontrera. En effet, si nous parvenons à la connaissance d'une grandeur, parce que nous avons les parties dont elle se compose, cela a lieu par l'addition. Si nous connaissons une partie parce que nous avons le tout et l'excédent du tout sur la partie, cela se fait par soustraction. Il n'y a pas d'autre moyen pour déduire une grandeur quelconque d'autres grandeurs prises absolument et dans lesquelles elle est contenue de quelque manière que ce soit. Si au contraire, une grandeur est intermédiaire entre d'autres, dont elle est entièrement distincte et qui ne la contiennent nullement, il faut l'y rapporter par quelques points. Et ce rapport, si c'est directement qu'on le cherche, on le trouvera par la multiplication, si c'est indirectement par la division. Pour éclaircir ces 2 choses, il faut savoir que l'unité dont nous avons déjà parlé est ici la base et le fondement de tous les rapports, et que dans une série de grandeurs en proportion continue, elle occupe le premier degré, que les grandeurs données sont au second degré, que dans le troisième, le quatrième et les autres sont les grandeurs recherchées si la proportion est directe. Si au contraire elle est indirecte, l'inconnu est dans le second degré, et dans les degrés intermédiaires, et le connu dans le dernier. Car si l'on dit comme l'unité est à A ou à 5, nombre donné, ainsi B ou 7, nombre donné, est à l'inconnu, lequel est AB ou 35, alors A et B sont au second degré, et AB, qui en est le produit, est au troisième. Si l'on ajoute comme l'unité est à C ou 9, ainsi AB ou 35 est à l'inconnu ABC ou 315, alors ABC est au quatrième degré, et le produit de 2 multiplications d'AB et de C qui sont au second degré, et ainsi du reste. Du même, comme l'unité est à A égale 5, ainsi A égale 5 est à A2 ou 25, et d'autre part, comme l'unité est à A égale 5, ainsi A2 ou 25 est à A3 ou 125, et enfin, comme l'unité est à A égale 5, ainsi A3 est égal 125, est à 4, qui égale 625, etc. En effet, la multiplication ne se fait pas autrement qu'on multiplie une même grandeur par elle-même, ou qu'on la multiplie par une autre qui en diffère entièrement. Maintenant, si l'on dit comme l'unité est A égale 5, diviseur donné, ainsi grand B ou 7 inconnu est à AB ou 35, dividend de donné, l'ordre est renversé. Aussi grand B inconnu ne peut se trouver qu'en divisant AB par A donné aussi. De même si l'on dit comme l'unité est à A ou 5 inconnu, ainsi A ou 5 inconnu est à grand A2 ou 25 donné, ou encore comme l'unité est à grand A égale 5 inconnu. Ainsi, grand A2 ou 25 cherché est à grand A3 ou 125 donné, et ainsi de suite. Nous embrassons toutes ces opérations sous le titre de division, quoiqu'il faille noter que ces dernières espèces renferment plus de difficultés que les premières, parce que souvent la grandeur cherchée y est contenue, laquelle par conséquent renferme plus de rapports. Car ces exemples reviennent à dire qu'il faut extraire la racine carrée de A2 ou 25, ou le cube de A3 ou 125, et ainsi de suite. Cette manière de s'exprimer, usitée parmi les calculateurs, équivaut pour nous servir des expressions des géomètres, à cette forme qu'il faut chercher la moyenne proportionnelle, entre cette grandeur de laquelle on part et que nous nommons unité, et celle que nous désignons par A2, ou les 2 moyennes proportionnelles entre l'unité et A3, et ainsi des autres. De là, on comprend facilement comment ces 2 opérations suffisent pour faire trouver toutes les grandeurs qui, par rapport quelconque, doivent se déduire de certaines autres. Cela, bien entendu, il nous reste à exposer comment ces opérations doivent être ramenées à l'examen de l'imagination et comment il faut les figurer aux yeux pour ensuite en expliquer l'usage et la pratique. S'il s'agit de faire une division ou une soustraction, nous concevons le sujet sous la forme d'une ligne ou d'une grandeur étendue dans laquelle il ne faut considérer que la longueur. Car s'il faut ajouter la ligne A à la ligne B, nous joindrons l'une à l'autre de cette manière, A, B, et nous aurons C. Si au contraire il faut extraire la plus petite de la plus grande, par exemple B de A, nous les appliquons l'une sur l'autre, ainsi B sur A, et nous avons la partie de la plus grande que la plus petite ne peut couvrir, à savoir une ligne directe. Dans la multiplication, nous aurons aussi ces grandes données sous la forme de lignes, mais nous imaginons qu'elles forment un rectangle, car si nous multiplions A par B, nous adoptons nos deux lignes de A angle droit AB, de cette manière. Et nous avons le rectangle. De plus, si nous voulons multiplier AB par C, il faut concevoir AB comme une ligne, savoir AB pour avoir AB multiplié par C, pour ABC. Enfin, dans la division où le diviseur est donné, nous imaginons que la grandeur à diviser est un rectangle, dont un des côtés est diviseur de l'autre quotient. Ainsi, soit le rectangle A, à diviser par petit a, on note la largeur A et on a B pour quotient. Ou au contraire, si on divise par B, on notera la largeur B et le quotient sera A. Mais dans les divisions où le diviseur n'est pas donné, mais seulement indiqué par un rapport quelconque, comme quand on dit qu'il faut extraire la racine carrée ou cubique, etc., il faut alors concevoir le dividende et tous les autres termes, comme des lignes existant dans une série de proportions continues, dont la première est l'unité, et la dernière la grandeur à diviser. Au reste, comment il faudra trouver entre cette dernière et l'unité toutes les moyennes proportionnelles? C'est ce qui sera dit en son lieu. Il suffit d'avertir que nous supposons de telles opérations non encore achevées ici, puisqu'elles ne peuvent avoir lieu que par une direction inverse et réfléchie de l'imagination, et que nous ne traitons ici que des opérations qui se font directement. Quant aux autres opérations, elles sont très faciles à faire, de la manière dont nous avons dit qu'il faut les concevoir. Il reste cependant à exposer comment les termes en doivent être préparés, car encore bien qu'à la première apparition d'une difficulté nous soyons libres d'en concevoir les termes, comme des lignes ou des rectangles, sans jamais leur attribuer d'autres figures, ainsi qu'il a été dit à la règle 14, souvent, cependant, dans le cours de l'opération, le rectangle, une fois produit par la multiplication de deux lignes, doit être bientôt conçu comme une ligne pour l'usage d'une autre opération, ou bien le même rectangle ou la ligne produite par une addition ou une soustraction doit être conçu comme un autre rectangle, indiqué au-dessus de la ligne par laquelle il doit être divisé. Il est donc nécessaire d'exposer ici comment tout rectangle peut se transformer en une ligne, et d'autre part la ligne ou même le rectangle en un autre rectangle, dont le côté soit désigné. Cela est très aisé pour les géomètres, pour peu qu'ils remarquent que par les lignes, toutes les fois que nous les comparons, comme ici avec un rectangle, nous concevons toujours des rectangles, dont un côté est la longueur que nous avons prise pour unité. Ainsi, tout se réduit à cette proposition-ci. Étant donné un rectangle, en construire un autre égal sur un côté donné. Quoique cette opération soit familière, au moins avancée en géométrie, je l'exposerai cependant pour ne pas paraître avoir rien oublié.